vie. Il y a du rouge et du whisky, il y a du vert et puis du gris, il y a du rose et de l'ennui. Des lundis, mardis et des vendredis. Dans ma vie, il y a le verre que je vais boire à Buenos Aires, à Gibraltar. Je plane un peu sur les grands boulevards. Je rêve et je pars au métro Ballard. Mais ce soir, je m'envole et je perds la boussole. Emmène-moi dans ton pays. Je n'ai jamais quitté Roissy. Ni les grands boulevards, ni le métro, ni la place Ballard. J'ai pas vu la mer. On dit qu'elle est belle avant. Mais on dit aussi que les oiseaux chantent aux Canaries, que le ciel est bleu là-bas sur la terre de feu. Dans ma vie, il y a des vols pour l'Amérique et des survols pacifiques, embarquement porte 22. Pour des gens heureux et du vrai ciel bleu. Dans ma vie, il y a des avions qui ont du retard et des valises et des regards. C'est toujours l'autre qui part avec sa guitare vers d'autres amarres. Et ce soir, je m'envole et je perds ma boussole. Emmène-moi dans ton pays. Oh, je n'ai jamais quitté Roissy, ni les grands boulevards, ni le métro, la place Ballard. J'ai pas vu la mer. On dit qu'elle est belle à Vancouver. Mais on dit aussi que les oiseaux chantent aux Canaries, que le ciel est bleu là-bas sur la terre de feu.